Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on amorce l'émission avec une nouveauté, un avant-goût du prochain album solo de Lars Fredrik Frøysli, le claviériste de la formation norvégienne Wobbler. C'est le second essai solo du claviériste et il a pour titre Gamle Master. Ça va paraître le 9 mai prochain et on remarque sous cet album la présence du flûtiste Ketil Einarsson, flûtiste de White Willow. Et parlant de lancement d'album, un groupe de la région de Québec va profiter de la troisième journée du festival Terra Incognita, c'est-à-dire c'est le 18 mai et c'est à la salle Le Bourgneuf cette fois-ci pour conclure le festival. Il s'agit de Something Else, que plusieurs connaissent comme un groupe hommage à Marillion, mais qui va nous proposer un album de matériel original. L'album a pour titre Hope, et ce soir, on vous présente en primeur une pièce de cet album, c'est Burning Truth. Et puis Marc, par la suite, on retourne en Norvège. Oui, avec la nouveauté de Bjørn Riis, qui fera paraître son nouvel album Fimbul Winter le 11 avril prochain. Et on a un troisième extrait pour vous ce soir, c'est la pièce titre de cet album. Également, on aura un autre groupe de Québec, un jeune artiste qui a fait paraître son premier album en début d'année. On parle ici de Jacob Roberge, qui viendra avec son groupe nous présenter l'album The Passing dans le cadre du festival Terra Incognita, et ce sera le dimanche 18 mai à la salle Le Bourgneuf. Et j'ai très hâte d'entendre ça, c'est vraiment un très bon disque. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce de Long Way Home. Et comme vous le disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec la nouveauté de Lars Fredrik Frøysli. Bonsoir, ici Michel Renaud de Something Else. Je suis fier de vous présenter un extrait de notre nouvel album qui sera lancé le 18 mai prochain à la scène Le Bourgneuf. Joke. Life as it's De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation américaine E-Colin qui vient de faire paraître deux nouveaux albums. Le premier qui a pour titre Time Silent Radio 2 qui comporte deux pièces et le second Time Silent Radio 7 qui comporte sept pièces. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait du second album avec la pièce Boulders on Hills. On aura également un extrait du nouvel album de Steven Wilson qui vient de faire paraître la semaine dernière The Overview. C'est son 8e album en carrière et c'est un retour au rock progressif pour cet artiste dont les plus récents albums étaient plutôt expérimentaux ou plutôt pop. Alors The Overview comporte deux pièces, une de 23 minutes et l'autre de 18 minutes. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de la première pièce, c'est la première partie de Objects Outlive Us. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une nouveauté d'un jeune guitariste britannique qui vient de faire paraître son second album. On peut parler de belles relèves dans le cas de Dominic Sanderson, un jeune guitariste de Wakefield, au Royaume-Uni. À la fin février, il nous a présenté un nouvel essai qui a pour titre Blazing Revelations, et c'est un album que nous recommandons chaudement. Le guitariste a aussi à sa feuille de route un autre album qui a pour titre Impermanence, ça c'est paru en 2023, et aussi deux EP, le premier a pour titre The Acoustic EP, et le second c'est Discarded Memories, et ça c'est paru en 2020. Ce soir, on vous propose une pièce de son plus récent essai, et c'est la pièce d'ouverture qui a pour titre « From the Weeping Cradle ». shuffle and the trumpets sing, but to no avail, as dusk sprints away and all thinks again. And as he climbs up from his stool, he wails, carrying the burden of gain. He calls out and the echo returns, and rising from his stupor, he opens the door. Peace.

good gods to fill our mouths with the shit we eat. Choke on your pills and guns. There's plenty of fault for everyone. We're all the same, just numbers counting by. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. On poursuit cette fois-ci avec une formation italienne. On vous a présenté un extrait du plus récent album la semaine dernière. Il s'agit de Nuova Era qui a été mis sur pied à la fin des années 80 et qui a publié son premier album en 1988. L'Ultimo Viaggio, et en 1989, ça a été suivi par Dopo l'Infinito. Ça, c'est deux de mes disques préférés de ce groupe. De retour donc pour un nouvel album studio qui a pour titre Ventimila Leghe Sotto I Mari. C'est inspiré de 20 000 lieues sous les mers, l'œuvre de Jules Verne. Un album avec deux pièces seulement, et ce soir, on vous présente un extrait de la seconde pièce qui a pour titre Nautilus. Et puis, outre un extrait de ce sixième album studio pour ce groupe de Florence, on va avoir un extrait d'un album d'un groupe du New Jersey qui a pour nom de 20 Committee. C'est un extrait de son second album paru en 2023, The Cycle on Dawn. Incidemment, le groupe va assurer la première partie de Big Big Train lors d'un concert aux États-Unis, à Rutherford, pour être plus précis, le 19 avril. Et puis Marc, pour la suite, on va avoir une nouvelle réédition d'un groupe suédois. Oui, une formation qu'on aime beaucoup, toi et moi. Il s'agit de Agusa, dont le premier album Ogtid, paru à l'origine en 2014, vient d'être remasterisé. Ils ont 6 albums à leur actif. Et ce qu'on aura pour vous, c'est la pièce qui conclut ce premier album et qui a pour titre Stigen Genom Skogen. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec un extrait de l'excellent nouvel album de la formation italienne Nuova Era. Thank you. Thank you. Justin. This is Jeff. This is Jeffrey. This is Joe. And Richmond. Here of the 20 Committee, and we are proud to present you a song from our album, The Cycle Undone. Let's go. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation des Pays-Bas Sky Architect. Et ce sera un extrait de leur premier album Excavations of the Mind, paru en 2010. La formation a 4 albums à son actif, dont le plus récent Nomade était paru en 2017. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de la pièce Deep Chasm. Et c'est la partie 2 qui a pour titre Scheim. On aura également la formation norvégienne White Willow et un extrait de leur plus récent album Future Hopes qui est paru en 2017. C'est une formation qui a 7 albums à son actif et dont le premier était paru en 1995. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est l'extrait d'une longue pièce qui a pour titre Scared View. On en entendra environ la moitié de la pièce. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation de Montréal qui nous a visité l'an dernier dans le cadre du Festival Terra Incognita. Oui, il s'agit de In Silva, le projet du guitariste Thomas Polichuk et du batteur et réalisateur Will Régnier. Un premier album est paru effectivement en 2024. Le titre de l'album, c'est She. Et ce soir, on vous présente la pièce This Is My Life Now. Thank you. day I left for work but got lost on the way. I never quite got back on track. I made my leave today. Need has ruled me ever since. Ever since the day I left. Chances out of reach. Forever locked in its path. Dice games in my head, vice versa, or to be me. Locked between these walls of eyes and friendly paranoia. Dice games in my head, vice versa, or to be me. Locked between these walls of eyes and friendly paranoia. My feet tell me where to go. Together we are one. And if you happen to meet me, the chances I'm not there. So please leave a message on the back of my head. Dice games in my head, vice versa, or to be me. Locked between these walls of ice and friendly paranoia. Dice games in my head, vice versa, or to be me. Locked between these walls of ice and friendly paranoia. En guise de conclusion, ce soir, on a choisi de vous présenter un extrait d'un album de Fido, un groupe qu'on a eu l'immense plaisir de recevoir à deux occasions dans le cadre du Festival Terra Incognita, et à chaque fois, c'était sublime. Ce soir, on vous propose un extrait de l'album Doomsday Afternoon, huitième disque studio de la formation, et ça a été lancé en 2007. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL.